si M. Kennedy aujourd'hui revenait, ou si M. Gandhi soudain ressuscitait, ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter. Da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam, et surtout avant tout d'avoir les cheveux longs, crier dans un micro, je veux la liberté, assis sur son derrière, avec les bras croisés, nos pères et nos grands-pères n'y avaient pas pensé, sinon combien de larmes et de sang évité. Da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam, mais bien sûr leurs cheveux n'était pas assez long. Écrire sur son blouson, la guerre doit s'arrêter. Assis sur son derrière, avec les bras croisés, les bonzes du Vietnam n'y ont jamais pensé. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est partir en fumée. Da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam, et bien sûr leurs cheveux ne sont pas assez longs. Crier c'est une honte, des hommes meurent de faim, assis sur son derrière, avec les bras croisés. Est-ce la solution? Est-ce le bon moyen? En tout cas les hindous devront s'en contenter. Da-dum-di-dam-dam, da-da-da-dam-dam, avant de trouver mieux, leurs cheveux seront longs. Si les mots suffisaient pour tout réaliser, tout en restant assis, avec les bras croisés, je sais que dans une cage, je serai enfermé. Mais c'est une autre histoire que de m'y faire entrer. Da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam, car il ne suffit pas d'avoir les cheveux longs. Fait-on pousser du blé en faisant des discours? Faut-il un uniforme pour détester la guerre? Faut-il pour être un homme ne plus chanter l'amour? Faut-il mendier son pain et ne plus être fier? Da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam, faut-il pour être libre avoir les cheveux longs, longs, longs, longs, longs? Da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam.